si l'on peut dire que l'histoire d'amour entre les citoyens et la police est une histoire parfois un peu tumultueuse, il y a en revanche un type de policier que tout le monde aime, c'est le policier scientifique. Il suffit pour cela de voir le succès des innombrables séries inspirées par la police scientifique. Mais quel est aujourd'hui le vrai travail de ces experts? Quelles sont les nouvelles disciplines comme la balistique lésionnelle ou les techniques de pointe qui permettent de faire progresser les enquêtes? Et surtout, la police scientifique est-elle la première à avoir su exploiter les big data à travers les très nombreux fichiers d'identification judiciaire qui sont aujourd'hui à sa disposition? Police scientifique, votre ADN s'il vous plaît, c'est le titre du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour mener cette enquête, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Laurent Penn, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en biologie et directeur adjoint de la police scientifique de Lyon. Et nous accueillons également Fabrice Cotel, bonjour. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, vous êtes commissaire des polices rattaché à la police technique et scientifique, il faut dire la PTS. Si vous entendez PTS, c'est bien de cela dont on va parler au cours de cette heure. Comme d'habitude, vous pouvez suivre cette enquête en direct sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous recueillerez plein d'indices complémentaires à ceux que nous disséminerons au cours de l'heure qui vient. Alors, on a tendance à l'oublier, mais la police scientifique n'a pas toujours été aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Elle a même, pendant de longues années, été un peu, il faut dire, le parent pauvre de la police. On le redira, on en reparlera dans quelques instants. Depuis quand est-ce que ça a changé? Est-ce que finalement, ce sont ces séries scientifiques qui sont si populaires, qui ont donné une meilleure image, peut-être un peu plus de visibilité à cette police scientifique, Fabrice Cotel? Une meilleure visibilité, certes. Maintenant, attention quand même. Les Américains parlent du CSI effect. C'est-à-dire qu'on a l'impression de connaître la police scientifique de nos jours. Alors, c'est très bien. Culturellement, c'est très bien aussi. Mais on peut se rendre compte parfois de penser connaître la police scientifique, c'est aussi parfois anticiper sur des enquêtes, notamment au cours d'audience. Et on se méfie un peu de ça chez nous, à la police scientifique. Laurent Penn, depuis quand la police scientifique a repris la place qui est la sienne aujourd'hui? Au moment où on parle, L'effet déclencheur, on peut le dater au début des années 2000 environ, c'est-à-dire il y a eu des lois d'orientation qui ont vraiment mis en avant ces outils d'investigation, et qui dit volonté politique dit derrière financement, dit derrière recrutement, rénovation des structures de PTS, et du coup vraiment on a vu une explosion, je pense on peut la dater au début des années 2000. On parle aujourd'hui de criminalistique. Donc la criminalistique, oui, c'est l'ensemble des sciences qui vont permettre d'exploiter des preuves qui vont être collectées sur les scènes d'infraction. Donc c'est très très large. Il va y avoir de la chimie, il va y avoir de la biologie, il va y avoir des choses plus techniques, il va y avoir tout ce qui est exploitation numérique. Donc on est vraiment dans un champ extrêmement large. Je rebondirais aussi en disant qu'on parle aussi de forensic ou de science forensic. C'est un mot qui est très utilisé de nos jours. Un américanisme pour forensic qui veut dire médecine. Enfin, en français, on traduit par médecine légale. Médecine légale, mais on l'écrit aussi avec UE à la fin. Donc, on l'a complètement intégré dans notre vocabulaire. Ouais, c'est la Suisse romande qui l'a francisé, on va dire. Donc, du coup, on peut l'utiliser en français. D'accord. On parle peut-être c'est pas dans le dictionnaire. Mais et ça se limite pas justement au champ strictement de la médecine légale comme on peut l'imaginer outre-Atlantique. Ah non, pas du tout. Hein, je reviens sur ce que disait Laurent Penn, hein, quand on parle de criminalistique aujourd'hui, nous on englobe tout ce qui se passe en fait de la scène jusqu'à l'audience quasiment en matière de police technique et scientifique. Et on va décliner hein, toutes ces étapes des scènes d'infraction ou des scènes de crime, et puis à la grande partie qui se passe aujourd'hui en laboratoire. Christine Navarro, qui est la présidente de la compagnie des experts de justice en criminalistique, dit « Nous sommes au début d'une nouvelle ère de la criminalistique, vous partagez cette opinion, on est vraiment entré dans un nouveau champ avec de nouvelles possibilités bien plus large que celle qui existait jusqu'à présent, Fabrice Cotel ? Oui, alors j'aurais même tendance à dire qu'on est dans la quatrième ère. La première ère, je la situerais au début du siècle dernier, c'est toute la période Bertillon dont on a beaucoup entendu parler, c'est véritablement l'identification des récidivistes. On a terminé le marquage au fer rouge, il faut trouver d'autres solutions, et c'est à partir de là qu'on commence à faire des fichiers anthropométriques, etc. Alors très bien, on va y aller, on va prendre le temps de décrire un peu toutes ces ères. Vous me laissez arriver jusqu'à la quatrième ère, hein, tout à l'heure. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas, mais justement, mais c'est très intéressant. On va revenir hein, sur tout ça, mais faisons un peu d'histoire, justement, pour commencer. Comment, à quel moment, justement, cette première ère ce que vous appelez l'ère Bertillon, Fabrice Cotel, à quel moment on commence à parler, à évoquer, à penser la police comme une police scientifique, à associer science et enquête ? Alors, à mon humble avis, c'est notre maître à penser qui s'appelle Edmond Leucard, qui va vraiment permettre d'associer la science à l'enquête. Avant ça, Bertillon, qui est un peu le chantre de la police technique et scientifique, était plus sur de la compilation, des relevés anthropométriques, mais c'est Edmond Leucard qui va donner cette dimension à la police scientifique qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs, dans beaucoup de ses acceptions, hein, notamment des traces de pas. Enfin, il avait déjà envisagé de nombreuses disciplines qui sont encore aujourd'hui à exploiter parfois. On est à quelle époque, pardon, en amont ? On est au début du siècle dernier, hein, c'est toute cette période des Brigades du Tigre, de Sherlock Holmes, enfin... Voilà. Oui, c'est le moment où la science commence à s'adjoindre aux enquêtes, Laurent Penn. Dans ce qu'il a fait Leucard, en fait, il a théorisé le principe de l'échange. C'est ce qu'on entend. On entend même, il y a un fameux épisode des Experts à Miami, je crois, où on entend l'un des héros de la série expliquer ce qu'est le principe de l'échange. Donc le principe de l'échange, qui a été théorisé par Edmond Leucard, c'est de dire une personne qui se déplace sur une scène de crime va laisser des traces de son passage. Donc il va y avoir des éléments qui vont se détacher de son corps, qui vont se laisser sur la scène de crime. Et d'autre part, il va emporter avec lui des éléments de la scène de crime. Donc c'est vraiment le principe de l'échange qui a permis après de décliner différentes approches scientifiques pour exploiter des traces et indices. Je compléterais en disant qu'on peut s'étonner qu'un principe soit autant d'actualité et pourquoi on prend comme référence Edmond Leucard qui œuvrait au début du siècle dernier. En fait, ce principe est toujours extrêmement présent. Il fait même partie de nos modes opératoires aujourd'hui. Seulement, on l'a adapté. Aujourd'hui, quand on veut mettre en place des processus de prélèvement de traces sur des scènes, par exemple, on doit plus se protéger, notamment depuis l'arrivée de l'ADN, mais on est toujours sur ce même principe-là. Il faut préciser aussi que Alphonse Bertillon et Edmond Leucard, qui sont un peu les deux pères, entre guillemets, hein, du traitement scientifique des affaires policières, il faut préciser que Edmond Leucard est celui qui a créé à Lyon le premier laboratoire de police scientifique. Si je ne me trompe pas. On a cette chance-là, il reste encore une plaque en centre-ville, et puis c'est certainement pour cette raison également que le cœur de la police technique et scientifique, en tout cas police nationale, se trouve à Écully, à quelques encablures de Lyon. Qu'est-ce que la méthode scientifique apporte, ou comment la méthode scientifique plutôt enrichit la méthode d'enquête policière ? Quels sont les premiers éléments que la science va apporter justement aux enquêtes policières, Laurent Penn ? Donc, parfois, suivant les infractions, ça va être un point de départ ou ça va venir vraiment compléter l'enquête policière. Donc le point de départ, on va plutôt être sur des petites infractions, la délinquance du quotidien, un vol effraction par exemple, des vols effractions en France, il s'en commet plusieurs milliers par an, la personne est cambriolée, elle fait appel à police secours, des gens de l'identité judiciaire se déplacent et là voient une trace de sang sur la vitre. Le prélèvement de cette trace de sang peut aboutir à un profil ADN et peut-être un rapprochement avec un individu. Et ça peut être le point de départ de l'enquête, de dire tiens, où habite cet individu, etc. Et là, on va dérouler une enquête. Ça, c'est dans petites infractions. Grosses infractions de type criminel, de type terrorisme, là, nous, on vient vraiment en appui. Il y a des moyens d'investigation énormes qui peuvent être mis. Et nous, on va venir vraiment compléter. On va venir finalement solidifier des pistes. C'est un peu comme ça qu'on peut voir la PTS aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est historiquement, les premiers apports de la méthode scientifique, c'est sur quoi ? C'est sur les empreintes, sur l'analyse des empreintes, sur la médecine légale. Quelles sont les premières pièces scientifiques qui ont été adjointes aux enquêtes criminelles ou policières ? La première affaire, qui est une affaire célèbre de 1902, qui s'appelle l'affaire Schaeffer, c'est vraiment un relevé de traces papillaires. Alors, quand on parle de traces papillaires, c'est les empreintes digitales et les empreintes palmaires, puisqu'elles sont aussi relevées sur les scènes. C'est cette première affaire-là où Bertillon intervient et récupère quelques empreintes sur une vitre cassée et arrive à permettre de résoudre l'affaire. Voilà, c'est vraiment un peu le T0 de notre méthode scientifique, puisque à partir de là, ce raisonnement d'un appui d'une méthode scientifique pour l'enquête va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et en complément de ces traces papillaires, c'est vrai que je pense rapidement tout ce qui est toxicologie est arrivé, parce qu'à un moment donné, l'empoisonnement était un mode, un mode assez utilisé. On pouvait, grâce à la médecine légale, des prélèvements faits au moment de l'autopsie, faire de l'analyse pour savoir, par exemple, présence de cyanure, oui, non. Et là, ça a pu orienter aussi, est-ce qu'on a affaire à une mort naturelle ou à un homicide. Et là aussi, c'est arrivé assez tôt. Alors, je ne suis pas un grand lecteur de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Dans Sherlock Holmes, il y a pas mal de chimie qui est venue compléter assez rapidement les traces papillaires. C'est un grand chimiste qui est venu compléter assez rapidement les traces papillaires. Oui. Et puis, pour compléter totalement, c'est vraiment le sens de l'observation qui va être mis en avant. Et là, on peut reprendre ce que faisait Sherlock Holmes. C'est d'abord une observation très précise de la scène, et puis un appui de la science. Pour avancer dans l'histoire, la première loi qui institue un service de police technique relevant de la direction de la police nationale, c'est une loi qui date de 1943. Et puis on avance un peu parce que le mercredi c'est censé être une émission future consacrée au futur, donc on va pas rester trop longtemps dans le passé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à partir de cette loi de 43, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que la PTS tombe petit à petit un peu dans l'oubli. Elle se développe pas vraiment. Ça devient pas un élément central des procédures judiciaires. À partir de quand est-ce que on retrouve de l'intérêt, on recommence à développer cette police technique et scientifique, Fabrice Cottel ou Laurent Penne, qui veut. Je pense que c'est Pierre Joxe, hein, surtout, qui a relancé la PTS en France en voulant créer la sous-direction. Alors je connais pas la date par cœur. 85, on a la Pierre Joxe, ouais, de la police technique à la direction centrale de la police judiciaire, ce qui veut bien dire qu'on adjoint à l'enquête des éléments de police technique et scientifique. Ouais. Ça c'est pour la police nationale. Pour la gendarmerie, c'est vraiment l'affaire Grégory. On va dire les erreurs sur l'affaire Grégory qui ont vraiment fait prendre conscience à la direction générale de la gendarmerie nationale qu'il fallait structurer la PTS. Donc je dirais police-gendarmerie, c'est un peu les deux gros événements qui ont permis de relancer vraiment en France la PTS. Il faut bien comprendre que quand on dit PTS, on inclut police et gendarmerie, mais on va bien y venir, hein, parce qu'il y a trois agences distinctes. Il faut dire quelque chose dont on reparlera aussi tout à l'heure d'importance, c'est la création du premier fichier en 1950, un fichier Canonge, et puis le STIC, le Judex. L'histoire de la PTS est aussi une histoire des fichiers et d'exploitation de fichiers à échelle relativement vaste, Fabrice Cottel. Alors, vous avez complètement raison, puisque là, on parlait un peu de l'historique. Moi, je crois que c'est vraiment les années 80, 90 qui vont voir se développer ce qu'on appelle la police technique et scientifique de masse. C'est-à-dire que quel que soit le type de scène sur laquelle on va intervenir, que ce soit un cambriolage ou de la grande criminalité, on va mettre en appui de la police technique et scientifique. Avec une seule finalité, c'est d'insérer des individus dans les fichiers, puisque c'est le seul moyen d'identification. Le fichier des empreintes digitales, c'est le seul moyen d'identification et puis de prévention de la récidive. Donc tout va s'organiser autour de l'insertion des traces et des profils dans les fichiers d'empreintes digitales. C'est vraiment le noyau dur de la PTS autour duquel va se construire toute l'organisation PTS à partir de 95, qui pour nous est une date aussi assez fondamentale, puisque c'est celle qui organise la police technique et scientifique de masse. Alors on reparlera, parce que c'est intéressant à l'heure où on parle du big data de voir que la PTS a précisément, dans l'exploitation des fichiers, commencé à théoriser, ou en tout cas à voir ce qu'on pouvait tirer et comment on pouvait exploiter des fichiers avec des millions, voire des dizaines de millions d'entrées. Pour arriver au temps présent, il y a aujourd'hui trois agences. Quand on parle de PTS, on parle de trois agences, police, gendarmerie confondues. Oui. On a la gendarmerie nationale qui a son organisation de police technique et scientifique. L'IRCGN. L'IRCGN à la tête. On a la police nationale qui a également sa propre organisation. Jusqu'à présent, on avait aussi l'Institut national de la police scientifique qui comprenait plusieurs laboratoires. Et justement ces deux entités, INPS et sous direction de la police technique et scientifique, qui semaines maintenant, ou même quelques jours, seront rassemblés sous la même bannière, le service central de police technique et scientifique de la police nationale. Quel est aujourd'hui le statut des officiers soit policiers ou gendarmes, de police scientifique? Ce sont des policiers, ce sont des techniciens, ce sont des agents intérieurs, extérieurs? Alors il y a des approches différentes dans les deux forces de sécurité, puisque les gendarmes qui font de la PTS sont des gendarmes, ont un statut de gendarme, donc ça reste militaire malgré le fait qu'ils soient sous la bannière ministère de l'Intérieur. En police, on retrouve un corps de scientifiques qui a été créé il y a quelques années, qui sont spécialisés, comme son nom l'indique, dans la PTS. Mais dont vous faites partie, par exemple. Dont je fais partie, par exemple, le corps des ingénieurs. Et à côté de cette force de scientifiques, Monsieur Cottel les représente en partie aujourd'hui, il y a vraiment tout un tas de policiers actifs qui s'investissent également dans la PTS, des différents corps de policiers actifs. Et qui sont plutôt la branche judiciaire, si j'ai bien compris. Du coup, le binôme que nous formons aujourd'hui est vraiment représentatif de la police technique et scientifique. Alors, je crois que les pourcentages, c'est à peu près un tiers, deux tiers. Un tiers de ce qu'on appelle des actifs et deux tiers de scientifiques à différents niveaux, et puis avec des formations souvent assez spécialisées, biologie, chimie. Est-ce que, compte tenu de l'extrême spécialisation, dont on va parler dans quelques instants, vous diriez l'un et l'autre qu'aujourd'hui, le statut du technicien ou du policier scientifique, indépendamment de son statut, a pris le pas sur celui de l'enquêteur classique? Vaste question, c'est toujours les questions les plus simples ou celles auxquelles on s'attend, qui sont finalement les plus compliquées. Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. On peut science, et enquête sont inséparables, à mon sens. On est encore dans un système aujourd'hui d'intime conviction, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va pouvoir être fait par la police technique et scientifique ou la police judiciaire va se retrouver devant un jury, dans une audience, et au cours de cette audience, il va falloir quand même emporter l'adhésion du jury libre. Donc, il n'y a pas de preuve reine aujourd'hui. Alors, je sais que Bertillon disait que c'était l'indice matériel qui était vraiment la clé de tout. Plus que l'intuition de l'enquêteur. Mais non, je crois qu'on n'en est pas là. Une enquête, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui vont emporter la conviction du jury dans un sens ou dans l'autre. Pour reformuler ma question différemment, compte tenu de l'ampleur, de la diversité, de la finesse qu'ont pu prendre les moyens d'analyse technique et scientifique des scènes de crime et puis jusque dans les laboratoires, est-ce que la police scientifique n'a pas pris une place aujourd'hui prépondérante par rapport à celle de l'enquête classique, Laurent Penn? C'est clair que ça a pris une place prépondérante dans le sens où, dans une grosse enquête judiciaire aujourd'hui, on ne pourrait pas penser ne pas faire appel à la police technique scientifique. Je pense que ça c'est clair. Après, quand on me pose cette question généralement, je dis le scientifique est plus là pour donner du travail à l'enquêteur que de le substituer, si vous voulez. Je parlais tout à l'heure de point de départ, par exemple, aujourd'hui, sur des infractions de vol. Voilà, si on identifie des auteurs, ce n'est pas la simple identification PTS qui va amener à inculper l'auteur. Il faudra mener une enquête derrière. Donc on donne du travail aux enquêteurs sur une grosse, une grosse affaire criminelle. Si on trouve par exemple 20 profils génétiques dans une affaire, il va falloir que l'enquêteur vérifie si ces personnes peuvent être impliquées ou pas. S'il ne l'avait pas vu dans son radar au moment de son enquête, il n'aurait pas eu ce travail à faire. Donc je pense qu'on donne plus de travail aux enquêteurs qu'on ne leur en soustrait. Ce qui veut dire que les rapports avec les enquêteurs sont toujours bons, cordiaux, faciles. Oui. Alors, on est un prestataire de service. La prestation de service, parfois, ça se passe très bien. Parfois, ça peut être un peu plus difficile parce que ce qu'on attend de nous, c'est d'être rapide, d'être performant. Et parfois, peut-être qu'on n'est pas. Peut-être que si l'enquêteur attend trop d'un service de PTS ou s'il n'est pas content du délai, il peut se plaindre. Mais voilà, on est dans une relation de prestation de service. Donc après, je dirais même, regardez aujourd'hui à la télé une scène d'infraction majeure. Vous voyez qu'on a ces personnels habillés de blanc qui sont toujours très proches des enquêteurs avec leur gilet tactique bien reconnaissable. Il y a une vraie complicité qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on discute. On a des formations différentes et à un moment, on se retrouve sur le même objectif et vraiment, on va discuter d'une stratégie d'enquête, qu'est-ce qu'on va privilégier, quelle est la durée d'enquête qu'on va mettre en place, etc. Donc, il y a une vraie connivence entre le PTS et le policier actif sur une enquête. Le PTS, quand on disait la prestation, c'est aussi une prestation de conseil. C'est pas juste délivrer un rapport et dire tiens, débrouille-toi avec mon rapport. Donc il y a vraiment un échange qui est obligé de s'établir entre l'enquêteur et le personnel technique et scientifique. Dernière question liée à l'actualité, et puis c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette émission. Le 15 février dernier, la Cour des comptes a rendu un rapport concernant la PTS, un rapport qui plaide dans le sens d'un certain nombre de réformes d'envergure. Un mot déjà sur peut-être le contenu de ce rapport, Fabrice Cottel ? Oui, alors d'abord, le rapport dit très clairement qu'aujourd'hui, la PTS est devenue centrale à la fois pour la grande criminalité et pour la criminalité de masse, pour la délinquance de masse. Maintenant, depuis 30 ans, on a vécu de formidables évolutions scientifiques. On a dû se remettre en cause sur nos techniques, sur la formation des personnels, etc. Donc tout ça s'est fait un peu par sédimentation. Et il était temps, et c'est un peu ce que conclut la Cour des comptes, de remettre un petit peu d'ordre et de sens dans tout ça, de donner une vraie gouvernance, des vrais objectifs pour rendre encore plus efficace cette police technique et scientifique. Laurent Penn, sur ce rapport de la Cour des comptes, tout à l'heure, il est parfois un peu sévère avec la PTS. Il a un peu sonné comme un grand coup de gong pour dire qu'il était temps de se mettre un peu en ordre de marche et de viser un peu plus l'efficacité. Le recours, on disait tout à l'heure, l'essor de la PTS des années 80, c'est sûr qu'aujourd'hui les structures des années 80 ne sont pas adaptées aux années 2010. Ça, c'est, je pense que beaucoup de gens en sont persuadés. Donc après, quand on compare, si vous voulez, quand on étudie du domaine, quand on compare, par exemple, le niveau de la PTS en France à nos pays, par exemple, à nos voisins européens, on n'a pas à rougir. Par contre, est-ce qu'il faut le rationaliser, essayer d'être plus efficace? Évidemment qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, je pense que ça va dans ce sens. Fabrice Cottel. J'ajouterais qu'effectivement, quand on lit un rapport comme ça, à brûle pour point, on a quand même tendance à se dire que ça peut être un peu sévère, puisqu'en fait, on parle vraiment de chiffres bruts. Maintenant, imaginez quand même que depuis 30 ans, on a dû intégrer dans nos modes opératoires des techniques complètement nouvelles. Vous parliez des big data, on parlait, mm-hmm. on parlait de nombre de la toxicologie, on va en parler dans un instant. Donc vraiment de nombreuses techniques. On a dû intégrer aussi ce qu'on appelle vraiment, et ça faut en avoir conscience, la police technique et scientifique de masse. Je ferai une comparaison avec le milieu hospitalier. Imaginez qu'avec les mêmes personnels, les mêmes techniques, la même qualité de travail, on doit répondre aux urgences et en même temps à des opérations de chirurgie de haute voltige. C'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire que les traces et indices, on va les relever avec la même qualité de prestation, mais aussi bien sur le vol d'un scooter que sur une affaire comme celle qu'on a pu connaître ces derniers temps en matière d'attentat. Parce que aussi les auteurs d'infractions ne sont plus les mêmes, n'ont plus les mêmes modes opératoires. Il y a des gens qui sont professionnalisés dans certaines infractions. Donc tout ça aussi, il faut que la police, la gendarmerie puissent y répondre. Il faut des outils. Donc il y a une forte adaptation aussi à la délinquance ces dernières années. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Oui, on a habillé l'émission aux couleurs de la police scientifique, nous aussi, puisque c'est le thème de la méthode scientifique tout au long de cette heure. Il est 16h21 sur France Culture. On en parle avec Laurent Penn, qui est ingénieur en biologie et directeur adjoint de la police scientifique de Lyon, et Fabrice Cotel, qui est commissaire de police rattaché à la PTS, donc hein, la politique. Bravo! La police technique et scientifique. Maintenant que ce lapsus est fait et que nous avons retracé l'histoire donc, de cette police scientifique, nous allons nous intéresser à son présent, à son avenir plus précisément. Et puis s'il y a un mot-clé qu'il faudrait retenir dans le développement des nouvelles méthodes d'investigation scientifique, c'est l'interdisciplinarité. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et oui, parce que maintenant, pour faire des enquêtes, on mélange les disciplines pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Exactement, les experts sont spécialistes, mais aussi collaborent sur les mêmes affaires criminelles, comme le docteur Alain Miras, médecin légiste et Lakhdar Attar, chef du service balistique du laboratoire de l'INPS d'Écully, près de Lyon, où j'ai été. Ensemble, ils font de la balistique lésionnelle qui combine la technique à la médecine légale pour aller plus loin dans l'analyse. Donc les méthodes évoluent, c'est bien, mais celles des fabricants d'armes à feu aussi. Et elles sont de plus en plus diversifiées et sophistiquées. Il a donc fallu rénover les systèmes de reconnaissance. L'INPS a mis en place récemment le fichier national d'identification balistique pour aider les équipes à résoudre les affaires les plus complexes. Au niveau de la balistique lésionnelle, on va s'attacher à essayer de voir ce que fait le projectile lorsqu'il a pénétré dans le corps. C'est-à-dire qu'il va rencontrer différentes structures, la peau dans un premier temps, et puis ensuite il va rencontrer des structures un peu plus molles, qui sont le muscle par exemple, ou les éléments sous-cutanés, et éventuellement après, d'autres éléments plus durs, comme les structures osseuses. Et chaque fois que le projectile va rencontrer une structure de densité différente, il va dévier, il va basculer éventuellement. Donc c'est ça notre travail, de déterminer ces différentes trajectoires. Parce que dès qu'on a déterminé les trajectoires, on va pouvoir déterminer aussi les distances de tir et donc la position de la victime et de l'auteur. Et c'est ça l'objectif, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé, dans quelle position était l'auteur, dans quelle position était la victime lorsque le coup de feu est parti. Alors, le fichier national d'identification balistique est une base de données qui centralise les empreintes balistiques des armes expertisées dans les laboratoires, d'une part, mais également les empreintes balistiques des éléments de munitions découverts sur les scènes de crime. On parle d'éléments de munitions, à savoir les douilles et les projectiles. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle la station d'acquisition du fichier. Il s'agit en fait de trois lasers qui évoluent dans l'espace. Et ces trois lasers vont balayer la surface du culot de la cartouche. Je vous montre là un rapprochement qui a été effectué il y a quelques heures. Donc, vous avez à ma gauche donc une douille qui a été découverte sur un double homicide. Cette douille a été donc enregistrée au fichier national d'identification balistique. Nous allons maintenant effectuer une recherche donc dans la base de données. Et le fichier va alors comparer une multitude de reliefs. Les stries verticales que vous voyez, c'est la signature de l'arme. Et lorsqu'on superpose la striation, les empreintes, on va s'apercevoir que c'est quasiment la même image. Vous avez une parfaite concordance de striation entre la douille à gauche et la douille à droite. On peut donc affirmer que l'arme qui a été utilisée à la première affaire, le double homicide, est la même que celle qui a été utilisée dans le second dossier. Donc dans votre métier, c'est nécessaire de faire des tirs d'essai ? Tout à fait. Toute arme qui est expertisée dans les laboratoires est testée. Testée d'une part pour vérifier que l'arme fonctionne et d'autre part pour récupérer les éléments de munitions pour obtenir les empreintes balistiques. Des tirs d'essai sont réalisés par les balisticiens, donc s'effectuent dans des conditions de protection. Donc, parmi les équipements de protection, vous avez donc le casque électronique, les gants de protection et les lunettes. Et enfin, à gaine de tir, l'équipement de protection est le gilet pare-balles et le casque pare-balles pour les calibres de guerre. Je porte mon gilet pare-balles pour éviter en fait d'être blessé dans l'éventualité d'un possible retour de projectiles ou de fragments de projectiles. Alors vous êtes ici dans la gaine de tir. Donc la gaine de tir est en fait, vous imaginez, c'est un stand de tir avec un seul couloir qui mesure 30 mètres. Après, quand on veut évaluer la distance de tir, ça dépend bien évidemment de l'arme qui a été utilisée, si c'est une arme de poing ou une arme longue. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est de tirer avec l'arme et les munitions qui, a priori, ont celles qui ont été utilisées lors de la scène de crime, de tirer sur ce qu'on appelle des peaux synthétiques à des distances variables de 0 cm, c'est-à-dire on est au contact, à 5, 10, 15 cm jusqu'à 2, 3, 4 mètres ou plus en fonction de l'arme qui a été utilisée. Et puis, on va comparer l'image que l'on a de ces tirs avec ce qui a été observé sur la peau de la personne qui a été atteinte ou sur ses vêtements, par exemple. Et lorsque les deux images peuvent être superposées, à ce moment-là, on peut déterminer ou estimer la distance de tir. Alain, ton casque, c'est bon pour tout le monde ? Donc là, vous venez de tirer, et la douille qu'on a récupérée, qu'est-ce qu'on peut constater dessus ? Alors, vous pouvez constater que la douille donc, a été percutée. On voit le centre de la douille, une empreinte de percussion. À ma gauche, c'est une douille non percutée, et à ma droite, une douille percutée. À l'œil nu, bien évidemment, on va pas pouvoir identifier les empreintes balistiques, mais examinées sous fort grossissement, on retrouvera un certain nombre d'empreintes balistiques, des stries, des percussions et autres. Ces stries-là, ces empreintes sont caractéristiques et propres à l'arme que je viens d'utiliser. Comme on a vu tout à l'heure. Parfaitement, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, elle est encore chaude là, la douille, ça sent. On sent la poudre. Alors, moi, ici, la particularité, c'est que dans la gaine de tir, le projectile n'est pas arrêté en fait. Le projectile a terminé sa course. Pour récupérer le projectile, on effectue des tirs, ce qu'on appelle au puits. Vous voulez qu'on aille le voir ? Alors ici, on va effectuer donc les tirs dans le puits et on va récupérer donc le projectile qui a été tiré. Attention, prêt pour les tirs. Et puis voir la masse d'eau que pouvait soulever ce projectile de 9 mm. Nous avions estimé un volume de 3 à 5 litres. Ah donc là, on remonte, le panier. Voilà. Et vous avez donc les projectiles, le panier non montant, qui ont été tirés et qui supportent les empreintes balistiques du canon. Ces projectiles vont, dans un premier temps, vont être observés à la loupe binoculaire pour identifier les empreintes balistiques. Puis dans un second temps, les empreintes balistiques vont être enregistrées dans le fichier national d'identification balistique pour effectuer ce qu'on appelle les recherches d'antériorité, savoir vérifier si cette arme a déjà servi dans d'autres affaires dont les laboratoires ont eu à connaître. Voilà le reportage de Céline Lozen sur la balistique lésionnelle. On parlait d'interdisciplinarité. Je vous voyais prendre activement des notes à l'écoute de ce reportage, c'est que vous en avez des choses à dire, Laurent Penn. Déjà, pourquoi aujourd'hui l'interdisciplinarité est extrêmement importante ? Parce qu'on est dans l'hyperspécialisation. Des années en arrière, qu'est-ce qui se passait ? Par exemple, on parlait d'Edmond Locard. Edmond Locard, il pouvait rendre des expertises dans plein de domaines. Alors que là, forcément, un médecin légiste, il va avoir sa partie médicale. Et là, vous auriez pu tout aussi bien interviewer un spécialiste de scanner. Parce que parfois, Alain Miras et l'Agdar Attar travaillent des spécialistes d'IRM, des spécialistes de scanner, pour effectivement comprendre des trajectoires. Pour illustrer, parce que, à travers le reportage, pour que le grand public puisse illustrer à quoi ça pourrait servir, par exemple, vous prenez l'affaire JFK. Donc l'assassinat de Kennedy aux États-Unis. On parlait de la balle magique. Pourquoi elle était magique ? Parce qu'elle avait une trajectoire dans le corps du président des États-Unis qui était assez improbable. Si l'Agdar Attar et Alain Miras avaient été mis sur cette enquête, peut-être qu'ils auraient pu apporter des éléments déterminants au FBI à l'époque. Fabrice Cottel. Les réflexions que m'inspire ce reportage très clairement, c'est qu'on a des gens passionnés qui travaillent sur une discipline vraiment passionnante et qui font évoluer leur discipline puisqu'ils sont peu nombreux et c'est eux-mêmes qui mettent en place les techniques qui vont faire évoluer cette discipline. Mais surtout, pour rebondir sur l'interdisciplinarité, regardez sur une matière comme celle-ci, la balistique, on peut parler de trajectoire de tir, on va aussi envisager les résidus de tir, vous savez quand vous tirez, vous laissez des résidus de tir sur vos mains ou sur d'autres personnes, et puis sur une simple cartouche qu'on va pouvoir relever, on va pouvoir aussi faire de l'ADN, on va pouvoir relever des traces papillaires, on va même pouvoir relever des odeurs sur cette cartouche-là, donc on sent bien que voilà, toutes les mesures sont mises en place autour du moindre élément qui peut intéresser l'enquête. On arrive aussi, on le disait, on parlait d'interdisciplinarité, on va reparler de ce que vous venez d'évoquer, les traces papillaires, comment on a évolué, l'odorologie, tout ce genre de choses-là, mais est-ce que finalement aujourd'hui, la base du travail, c'est-à-dire le travail de relevé sur une scène de crime, a changé. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est l'équipe type? Est-ce que ces pratiques-là ont évolué, Fabrice Coetel? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est d'abord le fait qu'on professionnalise vraiment et on théorise nos façons d'intervenir sur les scènes. Il faut savoir que dans quelques temps, à l'horizon 2020 par exemple, on aura une norme qui va s'appliquer pour l'ensemble des scènes en Europe. Les pays européens font de plus en plus d'échanges et veulent avoir une confiance mutuelle dans la façon d'intervenir. Ce qui a changé aussi, c'est les outils. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire des photos, des vidéos à 360 degrés. On a des appareils à longueur d'onde qui nous permettent de révéler certains produits, de la matière humaine. Ce qui a changé aussi sur les scènes. Alors, là, je ne vais pas prendre les scènes du quotidien, c'est les scènes avec des victimes multiples et un aspect d'identification de ces victimes. Je pense au Bataclan, par exemple, ou aux catastrophes aériennes ou des choses. Oui, mais même sur des scènes judiciaires. C'est-à-dire qu'en plus d'une scène judiciaire, on va avoir un aspect d'identification des victimes. Donc voilà. Et puis, dernier point qui a changé aussi, c'est la protection. Quand on remonte un peu l'historique de la PTS, ça ne fait pas très longtemps que l'INPS notamment a donné des instructions, alors pas très longtemps, c'est une vingtaine d'années, pour se protéger, mettre des masques, des gants, etc. Pour éviter de contaminer la scène. Oui, la vraie évolution, c'est l'exploitation des traces biologiques qui a obligé effectivement à une protection de la scène d'infraction qui est absolument primordiale parce que qui dit non-respect des processus d'intervention dit pollution de la scène et donc on dit communément que l'affaire peut être, entre guillemets, foirée dès le départ. Donc voilà, des mauvaises constatations, c'est la fin de l'exploitation des preuves techniques. Donc là, on voit bien aussi la notion de chaînage, c'est qu'évidemment, tout commence à l'exploitation de la scène de crime, au gel des lieux, etc. C'est vrai qu'aussi, pour ajouter à ce que disait M. Coetel, il y a la numérisation de la scène d'infraction. C'est vrai qu'on va vers l'utilisation de drones, on va vers l'utilisation de tablettes mobiles pour gagner en rapidité, etc., etc. Donc la numérisation, elle touche tous les domaines. Évidemment, elle touche l'exploitation de la scène d'infraction. Justement, est-ce qu'on arrive de plus en plus, alors on parlera ensuite des méthodes de médecine légale, mais on parle de figer la scène de crime. Figer une scène de crime, ça veut dire ne plus rien laisser rentrer ni sortir pour qu'elle soit intacte et qu'on puisse travailler dessus. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui vers des scènes de crime qui sont figées numériquement, c'est-à-dire avec reconstitution, trois dimensions, où finalement on n'a presque plus besoin de se rendre sur place, où tout est complètement intégré et numérisé, ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail pour arriver à ce niveau-là, Fabrice Coetel? Effectivement, on a les moyens de le faire. On le fait pour les scènes les plus importantes. Maintenant, ce qui n'empêche pas d'aller sur les scènes, au contraire, on n'est pas. C'est encore une fois, la technique vient en appui du travail d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on fasse passer un drone sur une scène et puis qu'on puisse le traiter du bureau. On n'en est encore pas là. C'est ce qu'on disait en début de reportage. On est vraiment quand même sur un aspect judiciaire. Il ne faut pas l'oublier. Laurent Penn. Oui, et puis il y a l'élément humain. C'est-à-dire que pour faire écho au reportage sur la balistique, l'Agdar Attar, par exemple, qu'on entendait dans le reportage, fait beaucoup de reconstitutions en présence du magistrat, en présence des mises en cause, parce que. Quand vous allez mettre un mise en cause en face d'une scène qu'il a peut-être déjà connue, vous allez faire remonter des choses que devant un écran, il n'aura pas du tout, malgré la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ne va pas du tout revivre. Et donc, vous allez peut-être lui faire dire des choses ou expliquer des choses que devant un écran avec un casque de réalité virtuelle, il ne fera pas. Quels sont les nouveaux outils qui sont à votre disposition? Est-ce que on a toujours les bonnes vieilles lampes avec différentes longueurs d'onde pour trouver différents types de traces? Un mot peut-être aussi, est-ce que l'entomologie criminelle, c'est-à-dire trouver les insectes sur les corps, a changé? Est-ce qu'il y a des évolutions notables en termes de technique aujourd'hui, Fabrice Cottel? Je veux dire qu'on a, on a amélioré nos techniques. Est-ce qu'on a révolutionné les techniques ou apporté beaucoup de techniques nouvelles? Je ne suis pas sûr. L'utilisation du drone permet effectivement sur certaines scènes d'avoir une vision globale de la scène qui peut être apportée au juge. Le filmer des scènes à 360 degrés, c'est effectivement pouvoir se pencher tranquillement sur une scène. Parfois, il y a des scènes sphérons qui ont été faites dans des endroits où il fallait absolument quitter les lieux pour telle ou telle raison et du coup avoir le temps examiner ces scènes un peu plus tard. Les lampes à longueur d'onde, bah, finalement, elles font toujours quand même leur effet. Elles font toujours le boulot et ça, on ne peut pas leur enlever. Et puis, je crois que c'est surtout, encore une fois, la méthode et la protection de la scène et la pollution de la scène, en fait. L'évolution des normes que vous évoquiez tout à l'heure. Qui vraiment est rentrée dans les mœurs aujourd'hui. Un mot quand même sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'odorologie, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est des techniques assez nouvelles, Fabrice Cottel? Alors, c'est une spécialité de la police nationale, donc on peut répondre d'autant plus facilement. L'odorologie, alors, c'est pas très nouveau, ça a 15 ans maintenant. En tout cas, en France, on a 15 ans de recul. C'est une spécialité qui vient de Hongrie. Elle se passe uniquement à Écully et c'est vraiment la confrontation d'odeurs qui ont pu être prélevées sur une scène par un système de lingette. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, vous allez sur une scène de règlement de compte et puis vous voulez récupérer l'odeur qu'a pu laisser, par exemple, le conducteur d'un véhicule. Vous apposez des lingettes pendant un certain temps, une vingtaine de minutes à peu près, et vous enfermez ça dans un bocal. Et au moment où vous allez vous retrouver face à un mise en cause, le délinquant potentiel, l'auteur potentiel, à ce moment-là, vous allez faire comparer les deux. Vous allez lui prendre son odeur en lui faisant toucher cette fameuse lingette et la mettre dans un bocal. Et c'est des chiens, c'est étonnamment, qui vont comparer les deux odeurs avec un protocole très établi. Une étude du CNRS, d'ailleurs, a prouvé il y a quelques temps, l'année dernière, que le chien ne se trompait jamais dans la comparaison d'odeurs. Donc c'est vraiment un élément qui vient corroborer une enquête, mais de façon très fiable. Pour illustrer la difficulté de développer des nouvelles méthodes, il y a eu un projet européen qui s'appelait Doggies pour essayer d'avoir des nez électroniques, parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, si un chien sait le faire, peut-être qu'on peut arriver à avoir des nez électroniques. Et aujourd'hui, ce type de projet, pour l'instant, ont échoué. Et c'est vrai que le chien reste le meilleur ami de l'homme pour ce genre d'approche. Un dernier mot pour ce qui est du travail sur la scène, et puis on parlera tout à l'heure du travail numérique et du travail en laboratoire. Est-ce que ces progrès techniques-là, est-ce que ces avancées en termes de normes ont permis notamment de réouvrir, de rejeter des lumières sur un certain nombre d'affaires classées qui étaient hors d'accès de la police scientifique il y a 20, 30 ou 35 ans, Fabrice Cottel? Ouais, la scène, on peut la jouer qu'une fois. Je vais laisser répondre Laurent Penn sur des exemples un peu plus précis. La scène, on peut la jouer qu'une fois. Donc c'est vrai qu'une scène d'il y a 30 ans, on peut pas la rejouer. Ce qu'on va pouvoir rejouer en termes d'exploitation complémentaire, c'est de reprendre les pièces à conviction qui sont stockées dans un tribunal lambda et les faire revenir au laboratoire et les exploiter de nouveau. Ça oui. Rejouer une scène, comme on disait, à moins de découvrir. Alors oui, dans quelques cas, Fabrice Cottel parlait d'identification de victimes, oui, découvrir un charnier par exemple, ça on pourrait dire, tiens, je vais exploiter le charnier aujourd'hui avec des techniques modernes pour essayer de voir qui a été mis dans ce charnier, peut-être faire des enquêtes sur des crimes de guerre, des choses comme ça. Alors, un des progrès récents et qui a permis de réouvrir des enquêtes, c'est la recherche en parentalité. Là, Laurent peut en dire quelques mots, je pense. Ça sera peut-être là. On va en parler dans quelques minutes parce que ça va avec les fichiers, les big data et le séquençage ADN. La méthode scientifique, Nicolas Martin. This is what you'll get. This is what you get when you mess with us. L'indispensable, et oui, quand on ouvre le micro par surprise, ça fait parfois des bruits bizarres. L'indispensable Karmapolis des Radiohead, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h40, nous parlons de police et plus précisément de police scientifique dans les 20 minutes qui restent de ce numéro de la méthode scientifique avec Laurent Penn qui est ingénieur en biologie et directeur adjoint de la police scientifique de Lyon et Fabrice Cotel qui est commissaire de police rattaché à la PTS, à la police technique et scientifique. Alors on le disait, hein, depuis une quinzaine d'années, depuis le début des années 2000, on entre dans une nouvelle l'ère de la criminalistique. On a parlé notamment des outils sur les scènes de crime, de l'augmentation aussi des exigences de sécurité pour ne pas contaminer ces scènes qui a changé énormément et qui a augmenté en qualité ces dernières années. On va parler maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire du laboratoire et du traitement de ces nombreuses données, de ces très nombreuses données qui sont en possession de la police scientifique. Alors, on parle souvent, on l'a évoqué en première partie d'émission, on parle souvent des fichiers de la police, on en parle pas toujours en bien, ça fait râler pas mal de citoyens parfois en disant qu'on est trop fiché, qu'il y a trop de fichage. Néanmoins, c'est bien la police scientifique qui a inventé les premiers fichiers, qui a la première eu la volonté d'exploiter une quantité massive d'informations individuelles pour des raisons, pour des besoins d'enquête et de justice, Fabrice Cotel. Alors effectivement, ça a commencé dans les sous-pentes du 36 quai des Orfèvres, où en fait les fichiers étaient simplement des petites fiches des cas d'actuaires qu'on retrouvait encore et que parfois on retrouve encore dans quelques commissariats. Mais c'est vrai que très rapidement, la nécessité s'est faite d'organiser un peu cette collecte d'informations. Et aujourd'hui, en matière de fichiers d'identification, puisque là on parle vraiment que de cela, on a deux fichiers principaux, qui est le fichier automatisé des empreintes digitales, qui date de 87 maintenant, qui fête ses 30 ans cette année, et le fichier automatisé des empreintes génétiques, qui lui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Oui, c'est là, qui fêtera 98, ses 20 ans, absolument, qui fête ses 20 ans l'année prochaine. Qui a été créé après l'affaire Guy Georges, tout le monde s'en souvient, puisque à cette époque-là, n'existait pas de fichier des empreintes génétiques. Aujourd'hui, donc ce sont les deux seuls fichiers, enfin en plus les fichiers policiers classiques, type Ariane, ex-Judex, etc. Non, il y a beaucoup plus de fichiers que ça. Après, ça, c'est des grands fichiers d'identification qui, évidemment, souvent, dont parle le grand public, utilisent quotidiennement les policiers. Mais après, la PTS, c'est un milieu de fichiers. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quelle discipline, il faut un fichier de référence auquel vous allez comparer vos traces. On parlait tout à l'heure de balistique. Il y a le fichier national qui s'appelle le FNIP pour la balistique. Vous prenez un accident de voiture. Si vous voulez savoir quelle voiture a laissé des traces de peinture sur une scène d'infraction, vous devez constituer, donc il existe, une base de données de toutes les peintures automobiles européennes. Vous voulez identifier des stupéfiants, il y a aujourd'hui un fichier qui s'appelle STUP. Donc dans chaque domaine, vous allez retrouver des fichiers qui vont constituer votre base de référence sur lequel, avec lequel vous allez pouvoir exploiter les traces que vous allez retrouver sur les scènes d'infraction. Quelle est aujourd'hui la part algorithmique et la part d'analyse humaine de ces fichiers, puisque les données sont massives, elles sont gigantesques. Pour les exploiter, c'est toute la problématique des métadonnées ou big data en anglais. Quelle est aujourd'hui précisément la part d'informatique ou de traitement numérique de ces données, Fabrice Cotel, de ces données massives? Alors, ce que je peux vous répondre, c'est surtout en matière de fichiers des empreintes digitales. Effectivement, on a une part d'algorithme, c'est-à-dire que le logiciel, quand on va lui demander de comparer plusieurs traces papillaires, va proposer à un opérateur un certain nombre de traces, et c'est à l'œil ensuite que l'opérateur va confirmer si les deux traces sont identiques en fonction des points. Donc ça veut dire qu'en fait le fichier doit être forcément travaillé avec un opérateur et avec l'œil humain. Il y a ces fichiers donc d'empreintes papillaires, d'empreintes génétiques. Je vais vous poser une question peut-être un peu de science-fiction, mais qui est une question qui se pose tout de même. Est-ce que l'idéal pour un fichier d'empreintes génétiques, c'est finalement pas d'avoir un fichier génétique génétique de toute la population et comme ça, la moindre trace, pof, on sait directement sur qui ça tombe. Oui, alors juste pour revenir d'abord sur la partie algorithmique et la partie humaine, ce qui, pour rassurer l'auditeur de France Culture, c'est, on peut résumer ça comme ça, l'algorithme propose, l'humain dispose. Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est vrai dans tous les fichiers, peu importe la qualité de votre algorithme, reconnaissance d'image, comparaison de profil génétique, il y aura toujours un humain qui repassera, voilà, il n'y a pas une automatisation d'un processus informatique qui va amener à la... C'est jamais l'ordinateur qui trouve le coupable. À l'inculpation d'un citoyen français. C'est jamais l'ordinateur tout seul qui trouve le coupable. Je suis assez d'accord, il faut rassurer l'auditeur de France Culture. On n'est pas dans un système algorithmique dans la façon de traiter nos enquêtes. Hein. On n'est pas dans Minority Report, encore loin de là. Hein. L'algorithme va nous aider à décider et au final, la décision sera humaine. D'accord. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas de traitement algorithmique ou prédictif. Alors, sur le fichage généralisé, on va dire, c'est une question qu'on pose extrêmement souvent. Après, c'est question d'un pourcentage déjà de classe d'âge qui va commettre des infractions. Ça reste quand même relativement faible. Et tout à l'heure, on disait de donner des pistes à un policier. L'ADN, vous le disiez pour votre collaboratrice qui était là en début d'émission, on le laisse partout. Si toute la population était fichée, la logique d'un fichier, c'est qu'on va cibler une partie de la population avec des critères normalement objectifs. Si vous fichez tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des tests qui sont faits à la naissance, qui sont, par exemple, on dépose un petit peu de sang sur ce qu'on appelle les cartes de Guthrie, donc on pourrait récupérer ces cartes de Guthrie en France et faire un profil génétique des citoyens qui naissent en France. Ce qui risque de faire râler un peu les citoyens sur les temps passants. Évidemment. Mais donc, il y a l'aspect budgétaire, il y a l'aspect vraiment criminalistique, c'est-à-dire que du moment qu'on ferait une enquête, on retrouverait comme ça l'ADN de tout un tas de citoyens. Et qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait à un OPJ le devoir de vérifier. Est-ce qu'on n'arriverait pas à une situation de blocage ? Je ne suis pas enquêteur, mais j'ai tendance à penser que oui. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas-là. Moi, je crois encore une fois qu'on est toujours dans la dialectique sécurité-liberté quand on parle des fichiers. Aujourd'hui, les fichiers sont quand même très contrôlés, sous la responsabilité d'un magistrat. Et puis, on est en perpétuel mouvement. La durée de conservation dans les fichiers vient d'être réadaptée suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, voilà, en fonction de l'utilité réelle d'une conservation à durée donnée. Donc, finalement, l'équilibre est toujours en mouvement et respecté. Je pense que le mot-clé, c'est proportionnalité. Oui, hein. C'est comme sur la légitime défense. Il faut que voilà, ça soit proportionnel à l'objectif recherché. C'est quelle est la finalité du fichier. Et ensuite, est-ce que proportionnellement, on conserve suffisamment longtemps ou pas suffisamment longtemps en fonction des résultats d'enquête. Il y a d'importants progrès qui ont été faits aussi en termes d'analyse et de finesse d'analyse génétique et d'analyse ADN. J'ai vu par exemple aujourd'hui qu'on pouvait coupler du portrait robot avec du profilage génétique. C'est ça, Laurent Penn ? Tout à fait. Donc, on rentre aujourd'hui dans l'ère de ce qu'on appelle la génétique prédictive. C'est pas propre qu'à la criminalistique. Aujourd'hui, si vous faites un prélèvement ADN, vous l'envoyez à une grande société américaine qui va vous dire tu as X% de chances d'avoir un cancer du côlon dans 20 ans, etc. Donc, ça, c'est la problématique de la génétique prédictive. Donc, aujourd'hui, suite à une décision de la Cour de cassation à l'été 2015, il y a eu en France cette possibilité de faire ce type d'approche. Donc, l'INPS que je représente aujourd'hui, du coup, comme on était dans la légalité, on s'est engouffré dans cette approche. Donc là, on parle aussi de proportionnalité. C'est une approche qui est réservée à un très petit nombre d'affaires. On traite plusieurs dizaines de milliers de dossiers à l'INPS. Nombre d'approches en génétique prédictive sur ces deux dernières années, 25 dossiers. Donc vous voyez, on réserve cette approche à un très petit nombre de dossiers. C'est-à-dire concrètement, ça consiste, cette génétique prédictive ? Donc, on est au début de quelque chose, clairement. Mm-hmm. Donc on va avoir une évolution de ce type d'approche, certainement, dans les 15 prochaines années qui va être énorme. C'est d'objectiver à partir d'une trace biologique. Donc, on retrouve une trace de sang sur une scène d'infraction. On va d'abord faire l'approche conventionnelle d'identification. J'établis un profil génétique que je soumets au FNEC, donc à la base nationale. Pas de match. Dans le jargon, ce qu'on dit pas de match, pas d'identification. Et donc, évidemment, l'enquêteur veut quand même pouvoir orienter son enquête pour savoir qui a pu laisser cette trace de sang. Donc, c'est là qu'on intervient donc, dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, ce qu'on est capable de prédire, couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau, présence de taches de rousseur, et possibilité de présence de calvitie. Donc là, voilà, on en est là aujourd'hui, mais évidemment, le but de tous les laboratoires, et donc on vient d'intégrer un projet, par exemple, européen qui s'appelle Visage, qui vient d'être financé par l'Union européenne dans le cadre du projet H2020, et donc on va participer avec 12 autres labos européens pour continuer à compléter ce portrait robot génétique, pour évidemment aller peut-être vers des caractéristiques faciales, par exemple, etc., etc. Mmh. Il y a une autre finesse, un autre degré d'analyse, qui est celui que vous aviez évoqué d'ailleurs hein, tout à l'heure, Laurent Penn, c'est l'analyse familiale, c'est-à-dire qu'on peut retrouver via des correspondances génétiques, éventuellement non pas le coupable immédiat, mais enfin s'il s'agit de son père, de son cousin ou de quelqu'un de sa famille proche, c'est ça ? Oui, donc ça c'est vraiment ce qui sépare l'approche papillaire, donc des traces génétiques. L'ADN, il est transmis de génération en génération. Donc effectivement, avec l'ADN, quand vous avez un résultat génétique, vous pouvez tisser des liens familiaux entre différentes personnes. Alors parfois, ça peut être défavorable si, par exemple, vous êtes dans un cas, par exemple, d'homicide intrafamilial, puisque vous allez retrouver une complexité d'interprétation qui va être forte. Mais parfois, ça vous arrange. On parlait tout à l'heure de cold case, comme on dit sur les viols de la forêt de Sénart. C'est vraiment d'affaires non résolues, en français. Voilà. C'est vraiment l'approche de recherche en parentalité, c'est les termes qui sont employés par le législateur, qui a permis de cibler effectivement une personne qui avait pu commettre ces viols il y a plusieurs années, qui a permis de remonter à ce violeur. Mais alors, pour conclure dans les quelques minutes qui nous restent, l'un et l'autre, je vais vous poser une question extrêmement naïve. Au vu du développement de toutes ces techniques et de l'extrême précision, notamment du profilage génétique, de la découverte de traces, de l'odorologie, etc., comment est-ce qu'il peut encore finalement rester des affaires non résolues ? Fabrice Cottel. Si j'avais une baguette magique, effectivement, j'arriverais à mettre en place toutes les techniques possibles et puis on pourrait résoudre toutes les affaires. Je crois effectivement que c'est une question de moyens, une question de volonté, une question d'engagement dans toutes les affaires. On comprend très bien qu'on ne peut pas, pour un cambriolage, mettre en place toutes les techniques existantes en matière d'odorologie, de traitement des vidéos de masse, etc. Donc voilà, c'est surtout, on essaye, pour combler ce manque, on essaye justement de trouver des techniques qui peuvent s'adapter le plus largement à la masse. Mais j'aurais envie de dire, quand même, pour répondre à votre question, que sur les affaires criminelles les plus importantes, environ 5% des affaires criminelles, le taux d'élucidation est extrêmement élevé, au-delà de 80%, ce qui veut dire que quand on met en place toutes les techniques, on arrive à des résultats extrêmement forts. Et j'en profite pour rebondir, pour dire que par ailleurs, malgré l'air du temps ou l'impression qu'on peut avoir, nous vivons dans la société la plus sûre que nous n'ayons jamais connue historiquement et que le taux d'homicides brutaux, violents, etc. est en chute libre parce que précisément les techniques de police sont de plus en plus efficaces. Me trompe-je ? Laurent Penn. Après, je pense que les affaires, Monsieur Cottel rebondira parce que c'est lui l'enquêteur à la base, c'est qu'on peut dire que par exemple dans un homicide, quand vous n'avez pas de corps, il n'y a pas de scène d'infraction et de suite ça devient beaucoup plus compliqué parce que comme on disait la base de départ c'est la scène de crime. Quand la scène de crime est mal définie, là je pense qu'on rentre dans des affaires quand même qui sont plus difficiles à exploiter et... Voilà, on va s'en tenir là, ce sera le conseil donné à nos auditeurs tueurs en série, débarrassez-vous du corps, c'est plus compliqué. Et pour conclure, comme chaque mercredi, on se tourne vers le futur de la science en la personne d'un doctorant ou d'une doctorante qui vient nous expliquer son sujet de thèse à l'antenne. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Amos Frappa. Vous êtes avec nous en duplex depuis Lyon. Vous êtes en troisième année de thèse à l'EHESS. Bienvenue à la recherche montre en main. Amos Frappa, bonjour, merci. C'est à vous. Merci, bonjour. Donc, effectivement, je vais vous parler de ma thèse consacrée à Edmond Locard et la police scientifique. Alors, Edmond Locard, c'est pas forcément un nom qui vous parle. Et pourtant, c'est un nom qui est évoqué dans la fameuse série Les Experts, que tout le monde connaît, comme étant l'un des fondateurs de la police scientifique. Alors, si je commence par ce propos liminaire, c'est parce que, justement, il montre bien quelle a été ma démarche dans cette thèse, c'est-à-dire partir du mythe, partir de la trace qu'Edmond Locard a laissée pour remonter la piste et ainsi essayer de voir s'il y a effectivement un décalage entre cette image qu'il a laissée et la réalité que je trouve dans les sources. Alors qu'évidemment, comme tout bon enquêteur, il me faut des indicateurs, il me faut des guides et bons tuyaux, si je puis me permettre. Et là, j'ai une chance inouïe. C'est qu'Edmond Locard est mort en 1966, ce qui veut dire que j'ai encore des témoins directs, des gens qui l'ont connu, des gens qui ont connu, des gens qui l'ont connu, et donc ça me permet effectivement d'avoir un apport de sources supplémentaires et d'avoir un éclairage complémentaire. Et c'est bien sûr toujours agréable d'aller chez les uns les autres, de boire le café, de manger les gâteaux et ainsi poser des questions sur sa thèse. Hein, un peu comme Colombo, même si lui, il prend plutôt 3-4 heures pour poser de malheureuses questions. Et c'est ainsi que j'ai découvert, par exemple, lors de ces rencontres, qu'un ancien stagiaire de l'OCAR avait demandé à sa mort à ce que ses cendres soient dispersées en face du laboratoire de police scientifique dans la Saône, ce qui vous montre bien à quel point Locard était un homme tout à fait charismatique. Alors, qui dit enquête dit, là encore, sortir de la scène de crime hein, que vous évoquiez à l'instant. Alors, cette scène de crime, bien sûr, il faut la quitter, il faut aller voir les commerçants du quartier, leur parler, il faut aller dans les autres quartiers de la ville, voire sortir de la ville. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit baluchon, j'ai quitté le cadre lyonnais, hein, qui est la base de ma thèse, pour aller à Strasbourg, à Lille, Marseille, Toulouse, où par exemple un laboratoire de police un peu inspiré de Lyon va être mis en place en 1943. Nantes également, où là encore un projet va être élaboré sans donner suite. Limoges, où on peut trouver les archives de la célèbre affaire de Tulle, qui a permis à Locard de faire ses armes au début des années 1920 et de démasquer un corbeau. Ou encore Vannes, et oui, Vannes en Bretagne, où... on ne boit pas que du chouchen, on ne mange pas que des crêpes. On cache également des cadavres sous les tapis et effectivement, j'ai trouvé des documents là-bas. Et d'ailleurs, c'est tout à fait logiquement qu'aujourd'hui encore, à Vannes, on trouve une institution qui est liée à la police scientifique. Alors, qui dit enquête, enfin, dit évidemment éviter les fausses pistes. Hein. C'est-à-dire, pour un historien, éviter les anachronismes. Alors, parmi ces fausses pistes, qu'on trouve assez facilement au début de la thèse, il y a celle du rapport de Locard au corps, du rapport de Locard au sang. Car, et là c'est stupéfiant, Edmond Locard, qui est un médecin légiste, avait, figurez-vous, une sainte horreur du sang. Alors oui, je sais, c'est surprenant, c'est un peu comme si je vous annonçais que je pourrais être un homme politique qui mise toute une campagne sur sa probité et qu'au final, je suis mis en examen, sans faire de lien avec l'actualité, évidemment. Donc c'est très surprenant, mais c'est un système qui va être effectivement mis en place à Lyon et Edmond Locard va faire un pacte avec l'Institut médico-légal de Lyon pour que celui-ci gère les expertises médico-légales, tandis que lui s'occupera de la dactyloscopie, de la chimie légale ou encore de la graphologie. Et c'est un peu d'ailleurs pour ces raisons-là que le laboratoire sera si performant dans ces domaines. Alors, autre piste, rapidement, qui est peut-être une fausse piste, c'est le rapport de Locard à l'ésotérisme. Et j'ai bien dit ésotérisme. Car dans ses recherches, effectivement, il va chercher à connecter enquête et surnaturel, enfin du moins c'est le terme qu'on emploierait aujourd'hui. Et quand on creuse, là encore, on se rend compte qu'en fait, à l'époque, c'est une approche qui est tout à fait commune. Et que, par exemple, des Pierre et Marie Curie, des scientifiques purs et durs pour nous, eh bien, effectivement, faisaient eux aussi des expériences qui étaient liées au paranormal. Donc du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à Edmond Locard. Eh bien, merci beaucoup à Amos Rapace, je crois, pour me souvenir qu'il y avait des épisodes de L'amour du risque qui étaient un peu fantastiques aussi. Ça doit peut-être Exactement. Avoir un lien avec. Merci en tout cas pour vos présentations que vous avez faites avec brio et qui a beaucoup intéressé et fait sourire également nos interlocuteurs Fabrice Cottel. Juste un mot sur Edmond Locard, dont on vient de fêter l'année dernière les 50 ans, matérialisé par un timbre d'ailleurs, qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies ou autres. C'était un expert philatéliste, grand collectionneur de timbres. Il était reconnu comme expert, auteur du premier traité de criminalistique et un espèce de savant fou dont on a l'impression qu'ils sont experts dans tous les domaines et bon vivant qui plus est pour un Lyonnais, ça se remarque. Un homme parfait en quelque sorte, Laurent Penn. Oui, je rebondis sur ce que disait votre interlocuteur. C'est vrai qu'on a la chance au laboratoire d'avoir reçu plusieurs fois sa fille qui s'appelle Madame Stagnara, qui est décédée il y a quelques temps, et donc elle nous racontait tout un tas d'anecdotes et c'est vrai que ça rendait vivant le mythe, donc c'est ce qu'essaye de faire l'étudiant en thèse, et donc c'est vraiment intéressant. Eh bien voilà, vous avez passé avec brio, non pas votre examen de thèse à Amos Rapace, mais en tout cas la recherche montre en main à la méthode scientifique. Félicitations à vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci également à Laurent Penn et à Fabrice Cottel d'avoir répondu présent, merci aux collègues du bureau de Radio France à Lyon pour le duplex, et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez foncer jusqu'au 17 avril à l'exposition Les sciences du crime, qui retrace toute l'histoire de la police scientifique. Ça se passe au musée de la gendarmerie nationale à Melun. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lauzet, Neve Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Bouchon, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Anthony Thomasson et au droit d'auteur Thomas Bizot.